vous invite à prendre la route 66, la route du rêve, à la recherche d'un passé riche en aventures. Terre de promesses, soleil sans fin, la route 66, un moment de liberté. Je suis sous la route du rêve.